Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 1, colonne 1. Revue étrangère. Les dernières élections en France ont, comme il était à prévoir, tourné à l'avantage de la République. Un fait nouveau et d'une portée significative a caractérisé ces élections. Le plus grand nombre des candidats à tendance monarchique ne se sont plus présentés comme bonapartistes, orléanistes ou légitimistes, mais bien comme républicains conservateurs. Ce déguisement assez habile aurait pu réussir chez un peuple moins éclairé que le peuple français qui, pour le moment, paraît peu disposé à remettre sa destinée entre les mains d'un monarque et d'une cour de gentilshommes et de gentillâtres, et n'ayant pour principe que leurs intérêts personnels et se souciant peu de Jacques Bonhomme, qui ne devrait avoir d'autres prétentions que de payer de sa bourse ou de sa vie les folies des grands. Toutefois, nous ne prétendons pas qu'un bon monarque ne puisse faire le bonheur de la France aussi bien, peut-être mieux, que la République. Mais où est-il ce bon monarque? Est-ce le prince Plomplom qui possède toutes les qualifications possibles sauf celles qui sont recommandables? Est-ce son fils Victor, jeune homme sans expérience et constituant une inutilité complète? Est-ce le comte de Paris, le fils du roi parapluie qui s'est fait chasser du trône de France en 1848 pour autre chose que ses bienfaits? Pour le moment, on ne connaît pas d'autres prétendants à la couronne de France, et si le peuple les repousse et ne veut pas en entendre parler, c'est qu'il a ses motifs. Les troupes françaises ont réussi dans la campagne de la NAM, d'une manière plus avantageuse que les Anglais étaient disposés à le croire. Quelles que soient les idées que les chefs du pays nourrissent pour son indépendance, leurs soldats ne paraissent pas disposés à prendre la fuite à la première attaque de l'ennemi. Il est possible aussi que les Chinois ont manqué de donner l'assistance promise et que le roi d'Annam s'est trouvé sans alliés au moment critique. Les Chinois sont une nation qui se meut avec difficulté, ce qui est toujours mis à profit par les chefs de révolte dans l'intérieur du pays. Ce que le roi d'Annam avait besoin n'était pas l'appui moral d'une grande puissance qui ne lui viendrait au secours que dans 2 ou 3 ans. Ce n'est donc qu'après ce laps de temps que les Chinois se mettront en tête qu'ils ne doivent pas tolérer les Français dans leur voisinage et qu'on les verra arriver. Un fait certain, c'est que le gouvernement chinois est absolument hostile à l'occupation française et qu'il donnera, une fois ou l'autre, une preuve évidente à ses sentiments. De son côté, le gouvernement français sait parfaitement que les troubles ne sont pas terminés, et pour preuve, plusieurs vaisseaux de guerre ont reçu l'ordre de se diriger dans les eaux de Tientsin. Ayant vaincu les autorités de Nanam, il considère comme nécessaire, en vue d'éventualités futures, de prouver au gouvernement chinois que la France n'est pas une puissance avec laquelle il est permis de faire aux enfants. Les funérailles du comte de Chambord ont eu lieu à Goritz, le 3 du courant. Le cortège avait à sa tête les membres des corporations de la ville portant des cierges, puis venait le char funèbre traîné par 6 chevaux, suivi d'une voiture chargée de couronnes. Le prince Turnetax, représentant l'empereur d'Autriche, arrivait immédiatement après, puis le duc de Parme, le grand-duc de Toscane, Don Carlos, Don Alfonso et le comte de Barzy. On estime à 5 000 le nombre des légitimistes français qui ont pris part au cortège. L'infanterie bordait la route des deux côtés et plus de 50 000 étrangers s'étaient rendus sur les lieux pour être témoins des cérémonies. Le drapeau des oies pontificaux flottait sur le char funèbre. Arrivé à la cathédrale, le corps a été placé sur un catafalque élevé et la célébration de l'office des morts a eu lieu par Monseigneur l'archevêque. Un général américain se trouvait à ses funérailles parmi les représentants étrangers. Le général russe Gourko a jugé à propos de suivre des traces de feu le général Skobelev, pour autant qu'il s'agit de dénoncer l'influence de l'Allemagne en Russie. Cela ne doit pas paraître surprenant à ceux qui connaissent la haine générale qui existe dans le domaine du tsar contre l'Allemagne. Pour des fins diplomatiques, il est nécessaire que l'empereur de Russie soit en bon terme avec son impérial grand-oncle, quoique, avant son accession au trône, il soit connu qu'il considérait l'Allemagne comme le plus grand ennemi des progrès de son pays. Mais la différence que, pour des raisons de convenance, le gouvernement de Saint-Pétersbourg est obligé d'avoir pour l'Allemagne ne doit pas nécessairement influencer les sentiments populaires, et un chef militaire qui désire acquérir de la popularité peut bien admettre que le chemin le plus court est de se ranger du côté de l'opinion publique. C'est probablement la raison pour laquelle le général Gourcault a fait un discours prussophobe. Dans le cas du général Skobelev, le résultat fut une quasi-réprimande, c'est-à-dire que le souverain lui a fait une remontrance avec des mots sévères, mais avec le sourire sur les lèvres, ce qui avait pour signification « Je dois vous corriger pour des raisons diplomatiques, mais personnellement, je suis tout à fait d'accord avec vous. » On ne sait pas encore si le général Gourcault sera traité de la même manière. Son changement comme gouverneur de la Pologne sera peut-être accompagné d'assurances personnelles que, plus tard, il sera récompensé de son patriotisme et de sa loyauté. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.